إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أيها المسلمون وفرة الأموال وكثرتها ونضارة الدنيا وزهرتها ورغد العيش وعموم الأمن والتقلب في العافية والشعور بالإطمئنان كل ذلك نعم عظيمة وآلاء جسيمة يتفضل بها المنعم الكريم سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده ليحمدوه ويشكروه ويطيعوه وليبذلوها فيما يرضيه عنهم ويجلب لهم المزيد من فضله غير أن هذه النعم في المقابل قد تغر كثيرا من الجهلة وتخدع فئة من الآراء فتنسيهم ما يجب لله عليهم وتصرفهم عن أداء ما فرضه الله تبارك وتعالى عليهم وتدفعه من التقصير في حقه والتمادي في مخالفة أمره ولهذا فقد نادى رب العالمين جل وعلا الإنسان المغتر وذكره بما له عليه من جليل النعم فقال جل وعلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وذكره سبحانه وتعالى بإيجاده وقد كان معلوما وإمداده بما تكون به هدايته فقال تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا وقال جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال سبحانه وتعالى وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون شكرا ذكر الله Craignez votre Seigneur et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran, ô homme, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le Père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son Père. La promesse d'Allah est vérité, que la vie présente ne vous trompe donc pas et que le trompeur, Shaitan, ne vous admise pas en erreur sur Allah. Chers musulmans, les nombreuses richesses et l'abondance, la beauté de ce bas monde et son aspect verdoyant, la vie agréable et la sécurité, la bonne santé et la tranquillité, toutes ces choses-là sont des bienfaits immenses et des dons gigantesques qu'Allah, le donateur, donne à qui il veut parmi ses serviteurs, afin que ce dernier le glorifie et le remercie et lui obéisse, et afin qu'ils utilisent les mêmes bienfaits dans ce qu'Allah apprécie, et afin que par cela, Allah leur donne encore plus. Néanmoins, tous ces bienfaits aveuglent beaucoup d'entre nous et trompent un grand nombre d'individus, et cela les fait oublier les obligations qu'ils ont envers leur Seigneur et les éloigne de l'accomplissement des obligations et les entraîne vers la négligence et la désobéissance des ordres divins. C'est pour cela que Allah Azza wa Jal, dans le Coran, interpelle l'homme aveuglé et lui rappelle tous les bienfaits qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement. Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Et Allah dit également, en rappelant à l'homme qu'il l'a créé alors qu'il n'était rien, et lui a donné tout ce qui le guide vers le droit chemin. Allah dit, et l'homme dit, une fois mort, me sortira-t-on vivant? L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien? Et il dit également dans un autre verset, s'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant, nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Et il dit également, c'est lui qui a créé pour vous l'ouïe, les yeux et les cœurs, des bienfaits immenses. Mais malheureusement, vous êtes rarement reconnaissants. Ayez les frères qui l'ont. إن الغرور خدعة من الشيطان للإنسان تنسيه ما كان عليه وما سيصير إليه فيرضى بالحياة الدنيا ويطمئن إليها ويغفل عن آيات ربه ويعرض عنها وتسكن نفسه إلى ما يوافق هواه وتشتبه عليه الأمور وتختلط لديه المفاهيم فيعتقد أنه عن صواب وأنه يسير في درب الخير وما يدري أنه قد يكون في وهم وغرور. نعم عباد الله، إن من الناس من قصرت أنظارهم وضاقت أفهامهم فظنوا إذا أنعم الله تبارك وتعالى عليهم في الدنيا وأغلق عليهم وأمهلهم فلم يعجل لهم العذاب أنه سبحانه وتعالى سيجعل لهم مثل ذلك في الآخرة، وأنهم كما فضلوا في الدنيا على الضعفاء والفقراء فسيكونون أسعد منهم في الآخرة مردا ومآلا. قال تعالى عن الكفار وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقال تعالى عن المنافقين أنهم يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وقال جل وعلا عن القوم غرهم ما هم فيه من الأموال والأولاد فجعلوا ينظرون إلى ضعفاء المؤمنين نظر ازدراء واحتقار. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال تعالى عنهم وقال للذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. شيخ الرسول l'illusion par ce bas monde est une tromperie du diable sur l'homme. Par cela, il lui fait oublier d'où il vient et où il va. Il est alors satisfait de la vie ici-bas et s'y sent en sécurité. Et il ignore les signes de son Seigneur et s'en détourne. Et son âme est attirée vers ce qui est en concordance avec ses passions. Et tout se mélange pour lui. Il pense être sur la vérité, il pense être sur la voie du bien et ne sait pas qu'il est dans une erreur totale et une illusion. Chers serviteurs d'Allah, certaines personnes, leur vision des choses est limitée et leur manière de penser est très restreinte. Ils pensent que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur donne de ses bienfaits et les comble de grâce et les laisse sans les punir, que forcément ils auront la même récompense dans l'au-delà. Et que de la même manière dont ils ont été privilégiés au-dessus des faibles et des pauvres ici-bas, qu'ils le seront également et qu'ils seront plus heureux qu'eux dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran, en parlant de ces gens-là, qui disent « Nous avons davantage de richesses et d'enfants et nous ne serons pas châtiés. » Et il dit en parlant des hypocrites qu'ils disent, ils disent en eux-mêmes « Pourquoi Allah ne nous châtie pas pour ce que nous disons ?» L'enfer leur suffira où ils brûleront et quelle mauvaise destination. Si je fais des péchés et que Allah Azzawajal ne me punit pas ici-bas, forcément il ne me punira pas dans l'au-delà. Et Allah dit en parlant d'un peuple aveuglé par leur richesse et regardant les faibles d'un regard de mépris et de non-respect, il nous dit que ainsi éprouvons-nous les gens les uns par les autres pour qu'ils disent est-ce cela qu'Allah a favorisé parmi nous? Ils voient que parmi les croyants, il y a des faibles et des pauvres. Alors ils disent, est-ce ces gens-là que Allah Azza wa Jalla a favorisés parmi nous? N'est-ce pas Allah qui sait le mieux lesquels sont reconnaissants? Et il dit dans notre verset, et ceux qui ont cru, dire à ceux qui ont cru, si ceci était un bien, c'est-à-dire la religion d'Islam, les pauvres ne nous seraient pas devancés. Et comme ils ne se seront pas laissés guider par lui, ils diront, ce n'est qu'un vieux mensonge. Et il y a une يقول الله تبارك وتعالى عن الرجل الكافر الذي حاور صاحبه المؤمن وكان له ثمر يعني في جنتين وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا هذا هو الظن الفاسد والوهم الباطل والغرور القاتل حين يرى الإنسان أن إعطاءه الأموال وتمكينه من رغباته وإمهاله وهو يسرف في شهواته دليل على عروج شأنه عند الله تبارك وتعالى ومحبته له وإكرامه وما علم أن كل ذلك من المتاع الدنيوي قد يكون استدراجا له ليتمادى في باطله وأن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولكنه عز وجل لا يهب الإيمان إلا لمن يحب يقول الله تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا ليس الأمر كذلك ويقول الله سبحانه وتعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا أو في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وفي الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب رواه البخاري في الأدب المفرد ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الإنسان إذا حال بينه وبين الدنيا شيء فعليه أن يحمد الله تبارك وتعالى الإنسان إذا أبعد عن متاع الدنيا يتأسف ويتمنى أن يكون غنيا ثريا لا يحمد الله تبارك وتعالى أن أبعدك من المتاع الدنيوي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه رواه أحمد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكبرين الشرفا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شمس المؤمن الله نجد سورة الكهف أن نتكلم عن cet homme mécréant qui discutait avec son ami croyant donc il avait deux jardins et il avait des fruits dans ces deux jardins, et il dit alors à son compagnon avec qui il conversait, « Je possède plus de biens que toi, et je suis plus puissant que toi grâce à mon plan. » Et il entra alors dans son jardin, coupable envers lui-même par sa mécréance, et il dit, « Je ne pense pas que ceci puisse jamais périr, et je ne pense pas que l'heure viendra, et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin. » Donc voilà la mauvaise croyance. Et l'erreur évidente et l'illusion meurtrière lorsque l'homme pense que dès lors qu'il reçoit des richesses et qu'il peut assouvir ses désirs ici-bas et qu'Allah le laisse et qu'il se complaît dans ses plaisirs, qu'il pense et croit que cela est une preuve qu'il possède un rang élevé auprès d'Allah et qu'il est noble auprès du Seigneur de l'univers. Il dit Allah Azza wa Jal ne me donne de cet argent et de ses richesses que parce qu'il m'aime ou parce que j'ai un haut degré auprès de lui. Mais en tout cas, il ne sait pas que tous ces biens éphémères de ce bas monde qu'il reçoit, cela est peut-être un appât, afin qu'il se complaise dans le fond et qu'il continue à être désobéissant jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui prenne son âme alors qu'il est en train de désobéir. Car sachez également que Allah Azza wa Jal donne ce bas monde à qui il aime comme il le donne à qui il n'aime pas. Quant à la foi et l'iman, Allah Azza wa Jal ne la donne qu'à celui qu'il aime. Allah dit dans le Coran, quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Et Allah dit ensuite « Kalla ». C'est-à-dire que ce n'est pas une bonne croyance. Et Allah dit dans un autre verset, « Pense-t-il que ce que nous leur accordons en bien et en enfant soit une avance que nous nous empressons de leur faire sur les biens de la vie future ?» Au contraire, ils n'en sont pas conscients. Et il dit également que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent point. Allah ne veut par cela que les châtier dans la vie présente et que les voir rendre péniblement l'âme en état de mécréance. Le célèbre compagnon d'Allah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, dit « Allah a partagé entre vous vos bonnes qualités, tout comme il a partagé entre vous vos moyens de subsistance. » Et Allah donne les biens de ce monde à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas. Il y a des riches chez les croyants et des riches chez les non-croyants. Mais en tout cas, il ne donne la foi qu'à celui qu'il a aimé, rapporté par Al-Bukhari dans son livre « Al-Adab al-Mufrad ». Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, et cela est un hadith qu'il faut que nous méditions, car le musulman malheureusement, lorsqu'il voit des gens plus aisés que lui, il est triste. Il espérait être aussi comme eux, pouvoir profiter et assouvir tous ses désirs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah protège son serviteur croyant contre ce bas monde dans ce qu'il est. Allah protège son serviteur croyant contre ce bas monde dans ce qu'il aime, comme vous protégez votre malade contre la nourriture et la boisson, par crainte que cela lui nuise, rapporté par Ahmed. Et le musulman. لقد تمادى الغرور بكثيرين ففرطوا في الأعمال الصالحة والقربات وأغرقوا في المعاصي والخطايا وسرفوا في التوبة اعتمادا على كريم صفح الله عز وجل وطمعا في واسع عفوه سبحانه وتعالى وتغليبا لجانب الرجاء وغفلوا عن أنه تعالى قد قال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم وقال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم كما نسي أهل الغرور أن خير القرون وأفقه الأمة من المسلمين الأولين من الصحابة والتابعين والسلف رحمهم الله كانوا مع حسن العمل يبالغون في التقوى والحذر من الشبهات تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية من سورة المؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت عائشة رضي الله عنها أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات رواه الترمذي. أيها المسلمون لا يغترن أحد بوفرة مال أو كثرة ولد أو طول عمر أو كمال صحة أو علو منصب أو شرف نسب أو واسع علم أو كثرة عبادة ولا يشغلنكم تزيين الظواهر فتغفل عن إصلاح البواطن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وينبه على أهمية الباطل في الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم الله عز وجل يوم القيامة لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، هل أنت غني أو فقير، هل أنت طويل أو قصير، أسود أو أبيض، هذه الأمور الله عز وجل لا ينظر إليها يوم القيامة. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. Chers musulmans, l'illusion par ce bas monde dure parfois longtemps pour beaucoup de gens. Ils en négligent les bonnes œuvres de ce qui les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils sont noyés dans les péchés et la désobéissance, en retardant leur repentir et en se reposant sur le grand pardon d'Allah azza wa jalla. Il y a des gens qui, toute leur vie, ils font des péchés, en comptant sur le pardon d'Allah azza wa jalla et en espérant son immense clémence, en ayant un espoir plus grand que tout. Mais il ne faut pas oublier que Allah azza wa jalla, il dit dans le Coran, sachez qu'Allah est sévère en punition, mais aussi qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Et il dit également, informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux, et que mon châtiment est certes le châtiment douloureux. Donc les gens de l'illusion ont également oublié que les meilleurs siècles de l'islam, les plus savants, les compagnons, les tabi'in, les plus prédécesseurs, ils œuvraient énormément. Et cela est présent dans tous les livres que vous pouvez voir. Ils œuvraient énormément et ils étaient très pieux et ils prenaient garde des choses ambiguës. Et Aïcha radiallahu anha nous dit, un jour j'ai posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le verset de Sourate al-Mu'minun où Allah azza wa jalla dit, ceux qui donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte. C'est-à-dire qu'ils œuvrent, mais malgré ça, leurs cœurs sont pleins de crainte. Aïcha dit alors, s'agit-il de ceux qui boivent de l'alcool et ceux qui volent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non, ô fille de As-Siddiq radiallahu anhuma, mais ce sont ceux qui jeûnent, qui prient, qui font l'aumône et qui craignent que cela ne soit pas accepté d'eux, ce sont eux qui s'empressent vers le bien, rapporté par At-Tirmidhi. Donc chers musulmans, ne vous laissez pas aveugler par vos larges richesses, ou par vos nombreux enfants, ou par vos longues vies, ou votre bonne santé, ou vos hautes fonctions, ou votre noble lignée, ou vos grandes connaissances, ou par vos nombreuses adorations. Et ne vous laissez pas aveugler également par les apparences, en oubliant le fait d'améliorer votre intérieur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique dans un hadith, sur quelle chose, sur quel critère aura lieu le jugement yawm al-qiyam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, Allah ne regarde pas vos cœurs, ne regarde ni votre richesse, ni votre couleur. Allah azza wa jalla n'observe pas si on est grand ou si on est petit, si on est blanc ou on est noir, ou si on est riche ou pauvre. Toutes ces choses-là, Allah azza wa jalla n'en tient pas compte sur le qiyama. Mais il regarde vos cœurs et vos actes rapportés par nos signes. Ibadallah. Innahu min a'zami al-ghururi wa ashna'i. أن يتابع المولى على عبده النعم ويواليها عليه برحمته وفضله، ثم ترى ذلك العبد مقيما على معصية مولاه، مصرا على مخالفة أمره، ظنا أنه إنما أعطي ما أعطي لجلالته به واستحقاقه إياه، وأنه لو رجع إلى ربه بعد الموت لنال من الكرامة عنده مثل ما نال في الدنيا، غافلا على أن من أعطي في الدنيا قد يكون ذلك استدراجا كما ذكرنا لصاحبه وإمهالا، وأن الله تعالى قد قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال تعالى لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس القنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده لحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. فأين المسلمون؟ استكثروا رحمكم الله من صالح العمل، وإياكم والغفلة وطول الأمل. الأمل ولا يغرنكم إمهال الله تبارك وتعالى المسيئين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، رجل ضخم سمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. رجل كان غنيا في هذه الحياة الدنيا، له منصب له شرف، ولكن عند الله تبارك وتعالى وأقل وزنا من جناح بعوضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. متفق عليه. شاسر كبرى. La pire des illusions est la plus horrible, le fait que le Seigneur ne cesse de donner à son serviteur par générosité et miséricorde, ensuite ce même serviteur désobéit à son Seigneur. Quelle pire ingratitude! Ne cessant de commettre des péchés, car il pense que ce qu'il reçoit est dû à son mérite et à ses compétences. Et il pense que s'il revient à son Seigneur, il obtiendra auprès de lui ce qu'il obtenait ici-bas, en oubliant que certains bienfaits sont en réalité des appâts pour l'homme, afin qu'il continue dans la désobéissance. On l'a dit dans le Coran: puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, les gens les ont oubliés, il nous dit, nous leur ouvrîmes alors les portes donnant sur toute chose l'abondance, et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. Et il dit également: l'homme ne se lasse pas d'implorer le bien, l'homme il veut toujours qu'on lui donne du bien, et si le mal le touche, le voilà désespéré, désemparé. Et si nous lui faisons goûter une miséricorde de notre part après une détresse, il dit: cela m'est dû. Il a invoqué Allah Azza wa Jalla pendant des années pour qu'il lui donne des richesses, et lorsqu'Allah lui donne, il dit: cela m'est dû, c'est grâce à moi, c'est grâce à mes capacités, c'est grâce à mes compétences. Cela m'est dû, et je ne pense pas que l'heure se lèvera un jour, et si je suis ramené vers mon Seigneur, je trouverai près de lui la plus belle part. Nous informons ceux qui ont mécru de ce qu'ils ont fait, et nous leur ferons sûrement goûter à un dur châtiment. Quand nous comblons de bienfaits l'homme, il s'esquive et s'éloigne. Et quand un malheur le touche, c'est à ce moment-là qu'il revient en faisant de longues invocations. Donc, chers musulmans, faites beaucoup d'œuvres pieuses et prenez garde à l'insouciance. Ne vous laissez pas aveugler par le fait qu'Allah Azza wa Jal laisse un répit aux désobéissants. L'homme il dit: pourquoi devrais-je être obéissant alors que tous les désobéissants ils sont là et qu'Allah Azza wa Jal ne les a pas encore châtiés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah laisse un délai à l'injuste pour qu'il se ressaisisse, mais lorsqu'il décide de le châtier, il ne peut pas lui échapper. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita le verset: telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur quand il frappe les cités lorsqu'elles sont injustes, son châtiment est bien douloureux et bien dur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le jour de la résurrection, on fera venir un homme énorme et corpulent. Un homme qui ici-bas avait beaucoup de richesses, un homme qui était important, un homme qui était noble, un homme que tout le monde respectait. Il est immense, il est énorme et corpulent, mais il n'aura pas aux yeux d'Allah Azza wa Jal le poids d'une aile de moustique. Lisez si vous voulez le verset où Allah Azza wa Jal dit: nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. متفق عليه. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوقظنا من غفلتنا. اللهم اعقذنا من غفلتنا، اللهم اعقذنا من غفلتنا، اللهم وفقنا لاتباع صراطك المستقيم، اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،